Caroline par Paul Junka. Chapitre 1er. En dépit de son nom, dûment inscrit au calendrier grégorien, Caroline n'était pas une personne, c'était une jument. Mais il n'est nullement prouvé que sa condition de quadrupède lui constitua une infériorité vis-à-vis de l'espèce humaine. En effet, Caroline possédait un caractère bien tranché. Elle avait, comme vous et moi, ses sympathies et ses antipathies. Manifestait une intelligence aux inspirations originales, voire malicieuses, et supérieure en cela à beaucoup d'entre nous, elle était susceptible d'attachement et même de reconnaissance. Ma première rencontre avec elle fut dénuée de toute banalité. Il faut que je vous la raconte. J'étais à cette époque, mon Dieu, il y a longtemps, un grand collégien déjà gandé, pâli sur les thèmes, et ma taille frêle, trottoir allongé, dans l'ombre claustrale de notre vieux lycée, pliée sans cesse à droite et à gauche comme si elle allait se briser. Ma santé n'était pas sans donner quelques inquiétudes à mes parents. Consulté, le médecin déclara qu'il était urgent d'interrompre mes études, de rendre quelque temps de repos et d'oubli à ma pauvre tête surchauffée, bourrée de classiques, de détendre et de fortifier à l'air salubre d'une campagne lointaine mon organisme maladivement nerveux d'enfant des villes. Cette seule ordonnance me combla de joie, et je crois bien, commença la cure. Née à Paris, je ne l'avais jamais quittée. Mon univers, c'était notre quartier, et l'audace des rares pérégrinations dominicales accomplies avec les miens ne s'aventurait qu'exceptionnellement au-delà du Luxembourg. Une fois, il y avait des années, nous nous étions égarés dans les dédales verts du bois de Boulogne, et j'avais gardé de cette fugue, qui ne se renouvela plus, hélas, un charme persistant, une nostalgie intime de la grande paix champêtre de tous ces ailleurs que je ne connaissais pas. Aussi, l'idée du départ de l'inconnu fut-elle une fête pour moi, mais l'embarras de mes parents se trouva extrême. C'étaient de silencieux et propres travailleurs, absorbés dans les affaires, qui étaient pour eux représentés par un ancien et assez important commerce de draperie, et ils ne concevaient guère l'existence en dehors des rayons poudreux des magasins installés par mon arrière-grand-père. Cependant, ma santé, ma vie peut-être, dépendait de ce déplacement. Que faire? Où m'envoyer? Ma mère se le demandait 20 fois le jour avec une grandissante angoisse. Et à l'incessante question, mon père attristé, déconcerté aussi par une telle perturbation de notre train paisible, ne répondait que par un signe de tête incertain. Un jour, simultanément, une inspiration leur vint. Eh bien? Et chez le cousin Pancras? Le cousin Pancras était un parent plutôt éloigné. On eut même quelques difficultés en discutant la question ce soir-là, à démêler son degré précis dans le mystère des alliances, mais c'était un brave homme, très original à la vérité, en la bonté duquel on pouvait se fier. Célibataire endurci, jeune d'allure malgré ses 70 ans, on le voyait apparaître chaque automne, vêtu d'une immuable redingote en drap vert bouteille, et le poing orné d'un bâton ferré à cordelette de cuir qu'il se plaisait à faire résonner sur le pavé de la capitale. Il restait une semaine environ, déambulait mystérieusement tout le jour, sans rendre compte à personne de l'emploi de ses heures, et enfin reprenait le chemin de la gare en sifflotant « Je vais revoir ma Normandie ». Puis, pendant un an, on n'entendait plus parler de lui. Quoique ma mère éprouvât quelques soucis relativement aux confortables et aux soins qu'il serait possible de me procurer en ce logis de vieux garçon, elle se décida à écrire au cousin Pancras pour lui exposer mon cas et solliciter une hospitalité qu'il pouvait seul m'accorder, car nous ne nous connaissions aucun autre parent en province. La réponse arriva par le retour du courrier. Elle disait simplement « Mes chers amis, expédiez-moi le garçon. Il sera bien ici et je le garderai tant qu'il voudra. Votre tout dévoué, Pancras l'Oiseleur. » Je ne me le fis pas dire 2 fois, et ayant procédé à mes préparatifs de voyage avec une jeune allégresse, je partis, je m'envolai, frémissant et heureux, pénétré de je ne sais quels espoirs de conquête comme un explorateur qui marche à la découverte d'un monde nouveau. Chapitre 2e. Le cousin Pancras habitait à la Bouille, dans la Seine inférieure, une vieille maison biscornue dont l'aspect me ravit. Placé sur une éminence, à l'extrémité d'une vaste prairie, elle dominait le panorama admirable de la Seine déployant son large ruban dans un des plus beaux horizons qui soient. Et comme j'arrivais là au printemps, l'enclos tout fleuri des premières fleurs, les arbres transformés en gigantesques bouquets blancs ou roses, achevaient de donner au petit Parisien que j'étais l'illusion d'un Éden, d'un paradis terrestre, dépassant en splendeur les naïféries de ses rêves d'enfant. À chaque pas, je poussais des cris émerveillés. Je me grisais à plaisir des arômes épars de cette ivresse de l'espace qu'ont savouré tous ceux dont les premières années s'écoulèrent entre les tristes murailles d'une grande ville. Le cousin Pancrace jouissait en souriant de ma surprise. Il comprenait l'immense besoin que j'avais de m'emplir les poumons d'air pur et les yeux de beauté. « Il me faut, me dit-il, avec sa bonté brusque, dès le lendemain de mon installation chez lui, il faut que tu te mettes tout à fait au vert, mon ami, et que tu t'ébattes librement, comme mes poulains. La propriété m'appartient. Va, viens, cours, roule-toi dans l'herbe, fais en un mot ce qu'il te plaira. Je ne connais pas de meilleur régime pour un lycéen surmené. Me penser si le programme était de nature à m'enchanter, se rouler dans l'herbe. Quel est le citadin à qui cette perspective n'apparaît pas comme le comble du bonheur ? Je remercie avec effusion le cousin Pancrace. Il m'interrompit, bougonnant. « Oui, oui, fais le lézard, ça vaudra mieux que toutes les fadaises dont on t'a farci la tête aux grandes dames de celle-ci. Et tiens, suis-moi, je vais te montrer un endroit où tu seras bien pour te dégourdir les jambes. Pendant ton séjour ici, je défendrai qu'on t'y dérange. » C'était un coin sauvage et charmant que le cousin Pancrace assignait ainsi plus spécialement à mes ébats. Moitié herbage, moitié forêt, une source s'y chantait sous un couvert de hêtres. De sveltes plantes, que ne torturait point la main savante du jardinier, poussaient à l'infini dans le gazon touffu, à chaque instant inondé, par la brise glissant au travers des pommiers en fleurs, d'une pluie de folioles, d'une neige de printemps. La quasi-possession de ce lieu exquis équivalait pour moi à une royauté. Je me levais tôt le jour suivant, en une hâte de savourer ma liberté, de me dilater dans les fraîcheurs de l'aube. Chapitre 3e. Mais à peine étais-je entré dans mon enclos, qu'un bruit de branches froissées attira mon attention. Le cœur battant un peu, craignant quelques nocturnes maraudeurs attardés par là, je me dirigeai néanmoins dans la direction où cet étrange froissement continuait, et aussitôt, un cri de colère m'échappa devant un cheval blanc, duquel on n'apercevait que la tête et le poitrail, et qui, enfoui dans une brèche de la haie, broutait avec sérénité les bourgeons verts, les tendres feuilles, même les fleurs de mes arbres, tant admirées la veille pour leur délicate et virginale parure. Je fis de grands gestes afin d'éloigner cet animal sans façon. Il se secoua dans la haie, comme pour m'indiquer que l'on y était très bien, et qu'il entendait y rester. Coula vers moi, me sembla-t-il, un regard narquois de son œil brun plein de malice, et placidement happa une branche chargée de promesses de succulents déjeuners. Positivement, cet impudent cheval me bravait. J'arrachai alors une baguette à un coudrier voisin, et l'en frappai avec une impatience irritée. Mais aussitôt, de l'autre côté de la haie, une exclamation indignée retentit. « Battre Caroline ?» Je n'eus que le temps de distinguer, près des oreilles de la jument, une petite tête ébouriffée, surmontant une blouse d'indienne noire. La baguette de coudrier, vivement enlevée de mes doigts, décrivait dans l'air un cercle rapide et venait en sifflant me cingler le visage, tandis que la voix, tremblante de courroux, répétait « Voilà pour apprendre à battre Caroline !» Je me précipitais les poings serrés. C'était vraiment trop humiliant, aussi de recevoir des coups d'une femme, que dis-je, d'une gamine. Seulement j'en fus quitte pour me meurtrir les mains aux épines, l'adversaire était déjà loin. D'un bond souple, la fillette à la blouse d'indienne s'était élancée sur le dos de Caroline, qui l'étalait au grand galop, et je n'apercevais plus de cette infernale bête que la large croupe se détachant comme une tache blanche parmi les lointains verts de la prairie. Il ne me restait qu'à rafraîchir avec une touffe d'herbe humide mon visage enflammé, ce que je fis non sans rancune, puis je rentrai, fort marré de l'aventure, que je me promis de taire au cousin Pancrace en ruminant de confus désirs de vengeance. Chapitre 4e. Bien que j'eusse guetté mon Amazone et son endiablée Caroline avec une patiente ruse digne d'un pot rouge, je n'avais encore revu ni l'une ni l'autre quand deux ou trois jours plus tard, le cousin Pancrace m'annonça que nous allions faire quelques visites. Le code provincial des rapports de bon voisinage exigeait que mon parent présentât son hôte à ses relations habituelles. En suivant l'usage, nous devions commencer par rendre nos devoirs à la vieille baronne de Criqueville, qui, malgré sa méchanceté avérée et son avarice sordide, n'en demeurait pas moins la première dame de la région. L'aristocratique personne que le cousin Pancras me dépeignait en termes si peu engageants résidait dans un manoir qui, sans doute, avait eu jadis le plus grand air, mais dont le délabrement actuel témoignait de la part de la propriétaire d'une incurie absolue. L'herbe poussait entre les pavés de la cour d'honneur, les volets dépourvus d'une partie de leurs gonds pendaient lamentablement, et les admirables tapisseries anciennes du salon où nous fûmes introduits, abandonnées au silencieux ravage des mythes, laissaient voir la corde un peu partout. La maîtresse de séance se tenait là, petite vieille toute recroquevillée au fond d'un grand fauteuil. Elle me gratifia d'un coup de tête sec et se mit à causer avec mon voisin d'une voix chevrotante et acide qui me portait désagréablement sur les nerfs. Au bout de quelques instants, le cousin Pancras, d'une voix où de l'intérêt vibrait, s'informa de mademoiselle Nicole. Madame de Criqueville haussa ses maigres épaules. « Nicole, mais je ne sais pas du tout où elle est, mon cher monsieur. Toujours à courir le pays avec sa stupide jument, qui coûte si cher à nourrir. Cette petite est toquée, ma parole. » Tout à coup, la porte s'ouvrit et une fillette parut. « Ah, vous voilà !» dit la baronne, d'un organe plus aigre encore. « Vous arrivez bien ? Nous parlions de vous, ma chère. » « Tiens, mademoiselle Nicole, » faisait le cousin Pancras avec une expression non équivoque de plaisir. « Comment vous portez-vous ? Et cette bonne Caroline ?» La jeune fille s'avançait pour mettre sa main dans la main tendue du cousin et allait lui répondre quand brusquement, la phrase toute prête s'étrangla, mourut au bord de ses lèvres frémissantes. Elle m'avait aperçu et me reconnaissait. De mon côté, je ne reconnaissais que trop. Cette blouse d'indienne noire, cette tête blonde ébouriffée, ces yeux bleus étincelants qui me défiaient. Éperdu, consterné, je me demandais, palpitant, ce qui allait arriver. Il n'arriva rien du tout. Madame Nicole devint pourpre comme moi-même, hésita, puis tourna les talons et s'enfuit. Alors je respirai soulagé. Madame de Criqueville laissa échapper un ricanement satisfait. C'est toujours comme ça quand elle rencontre une figure inconnue. Elle est assez sauvage pour ses 15 ans. Le cousin Pancras, lui, ne se trompa point sur l'embarras de notre mutuelle attitude. Il abrégea la visite et à peine dehors m'interrogea. « Ah ça, mon garçon, m'expliqueras-tu ce que vous aviez, mademoiselle Nicole et toi, à vous regarder comme deux chiens de faïence ?» Fort penaud, je narrai ma piteuse rencontre avec Caroline et sa maîtresse. Le cousin Pancras se mit à rire et hocha la tête d'un air attendri, qui allait bien à sa physionomie rude. « Tu m'en diras tant !»« Si tu t'avises comme cela de toucher à Caroline !» Ma curiosité s'éveilla. Je pressentis un mystère, une histoire. Et le bon cousin, interrogé à son tour, ne se fit point prier pour me raconter ce que, dans le pays, tout le monde savait. Cette histoire, du reste, était triste et banale, comme la vie même. Mademoiselle Nicole de Criqueville était orpheline. Elle n'avait pas connu sa mère. Son père, commandant de chasseurs, était mort en Afrique, l'année précédente, d'une fièvre pernicieuse, et son dernier souffle avait été pour recommander à sa fille de ne pas vendre son cheval. Son fidèle compagnon de bataille et de campagne, belle bête de sang, qui était redevable à la fantaisie de l'officier du nom de Caroline. L'enfant, d'âme ardente et tendre, avait adoré le père trop tôt disparu. Ce fut désormais un vrai culte qu'elle voua à Caroline. Pauvre et seule au monde, elle dut accepter l'hospitalité maussade d'une cousine, Madame de Criqueville, l'unique parente qu'elle se connut, mais l'incessante persécution que lui livrait celle-ci, dont l'avarice déplorait l'entretien de Caroline, n'avait pu la décider à se séparer de la jument, objet de la dernière pensée du mourant bien-aimé. C'est pourquoi Caroline et sa maîtresse étaient souvent par les chemins, par les prés où l'herbe est savoureuse et les feuillages abondants. On suppléait ainsi à l'insuffisant du râtelier que la baronne oubliait de faire remplir. Et les habitants de la bouille se montraient indulgents aux menus méfaits de Caroline. Quelques-uns même lui réservaient, de temps à autre, une confortable portion d'avoine. Chez le cousin Pancras en particulier, la jument, pauvresse d'un nouveau genre, jouissait de toutes les immunités accordées au malheur, ce qui suffisait à expliquer l'indignation de Nicole lors de mon attaque inattendue. « Maintenant que te voilà renseigné, » ajouta le cousin Pancras en riant de son bon rire, « tâche de te réconcilier avec Caroline. » Je baissai la tête, ému, et ne répondis pas. Un grand attendrissement m'était descendu au cœur. La détresse de l'orpheline, le dénuement de la brave bête qu'elle aimait d'une affection si exclusive et si touchante, tout cela se mêlait en moi, me poignait d'une émotion que je ne connaissais pas et qui remuait au fond de mon être d'infinis besoins de réparation et de tendresse. Chapitre 5. Plusieurs jours s'écoulèrent encore. Je continuais, quoique pour motif nouveau, de guetter assidûment la venue de Caroline, mais, rendue méfiante sans doute, la jument s'obstinait à ne point paraître. Pourtant, sachant combien est fidèle chez les animaux comme chez les enfants la mémoire de l'estomac, je ne désespérais pas de reprendre Caroline dans le coin verdoyant où elle avait l'habitude de déjeuner. Et en effet, certains froissements de branches un matin m'avertit que la gourmandise l'avait emportée sur la prudence. Je m'avançai à pas discret. Caroline était là, tondant le gazon du tertre avec un appétit qui témoignait que la parcimonie de Madame de Criqueville ne se démentait pas. En prévision de la rencontre, je m'étais muni de provisions que je supposais être du goût de mon ex-ennemi. La poche gauche de ma veste était gonflée de croûtes de pain, et celle de droite bondée de carreaux du plus attirant aspect. Un spécimen de cigare de paix dans chaque main, je m'approchai de Caroline et les lui offris. Cette excellente bête me regardait venir sans animosité apparente, et meilleure que moi naguère, elle devait ignorer la rancune, car elle ne fit aucune difficulté d'accepter mes présents. Encouragé, je la flattais en lui prodiguant de petits mots d'amitié, tandis que ses longues dents broyaient croûtes et carottes avec un égal entrain, lorsque, soudain près de nous, une tête blonde ébouriffée se dressa. C'était Nicole qui accourait, hostile et raidie, prête à défendre sa chère Caroline. Mais l'imprévu du spectacle l'arrêta subitement. « Ah !» fit-elle seulement, et elle sourit. Quel joli sourire ! J'avais ôté ma casquette et je balbutiais, interdit, très malheureux de ne pas savoir traduire ce dont j'avais l'âme pleine. « Mademoiselle Nicole, je regrette bien si j'avais su. Enfin, on m'a appris. Caroline peut être sûre. On m'a dit que... » Elle eut pitié de mon embarras. « On vous a dit que je suis bien à plaindre, n'est-ce pas » termina-t-elle. « Et vous ne voulez plus me faire de la peine ? Eh bien, merci. » Sa pauvre petite figure, si délicate, si fine, se convulsait douloureusement. On y voyait d'une façon distincte passer la meurtrissure des angoisses subies. « Oh non ! » m'écriai-je. « Je ne voudrais pas vous faire de la peine, au contraire. » Elle sourit de nouveau, d'un sourire cette fois-ci doux et si triste, qu'il me donna envie de pleurer. Et en confiance maintenant, elle me dit la désolation de sa vie d'orpheline, d'enfant sans famille, qui n'avait qu'un pauvre cheval à chérir. « Si vous saviez, » acheva-t-elle, « c'est Caroline qui me remplace tout ce que j'ai perdu. Elle est si intelligente. Ce n'est qu'à elle que je puis parler de mon cher papa. Elle l'aimait aussi, elle. Quand je prononce son nom, elle hennit. Nous nous comprenons, allez. Oh, je ne supporterai pas qu'on fît du mal à Caroline. Pensez donc, qui m'aimerait si je ne l'avais plus ? » La tête appuyée sur l'encolure satinée de la jument, elle sanglotait désespérément. Alors je lui saisis les mains, bouleversé, sanglotant aussi et promettant sans bien savoir ce que je disais, « Moi, si vous voulez, mademoiselle Nicole, moi, je vous aimerai. » Chapitre 6. Et j'ai tenu parole. Je l'ai aimée, la chère créature, de toutes mes forces et de tout mon cœur. Elle était entrée dans ma vie à une heure unique, l'heure ineffable où ma jeunesse s'éveillait, ignorante, et se tendait vers l'amour. L'amour seul a pu briser le lien qui nous unit alors. Désormais, toutes les vacances me ramenèrent chez le cousin Pancras, près de celle à qui, d'un élan, je m'étais donné son retour. Il y eut bien des obstacles à notre mariage. Ce ne fut que beaucoup d'années plus tard, après le décès de la vieille baronne de Criqueville, que j'eus la joie de la conduire dans l'antique logis que m'avait légué le bon cousin, couché lui aussi sous l'herbe du cimetière, en la nommant ma femme. Il est superflu d'ajouter que Caroline eut chez nous une place de choix. Elle faisait partie de notre bonheur. Quand elle mourut, très vieille, nous la pleurâmes. C'était quelque chose de notre jeunesse qui s'en allait. Puis, mon adorée compagne m'abandonna à son tour. Je suis resté vieux et seul, pas trop triste pourtant, car je sais bien que je ne tarderai pas à rejoindre celle qui fut mon unique amour. Et quand la mélancolie me courbe, je pense à Caroline, nom magique, qui a le privilège de rouvrir les portes closes du radieux passé et d'illuminer un instant mon crépuscule de l'éblouissement de mes jeunes années. Ainsi s'achève Caroline par Paul Juncker.